confesse. Y'a pas mal de mal que je laisse, les blessures laissent des traces sur mon âme, donc là je la laisse. Un bref point de ma vie et de ses séquelles. Parlons plutôt de mon héritage culturel. Dans mes textes, je confesse les pensées les plus profondes. Je veux du silence et du bruit, je suis bizarre comme dans ce monde. Tout doit être bénéfice ici-bas. Je cherche et je crois qu'au-delà de l'obscurité, je vois. Cherche ta voix, moi j'ai ma destinée. Que Dieu protège les miens et qu'il nous guide sur le bon sentier. Positif, même quand je lâche la pression. Pose-toi bien, le temps d'écouter ma confession. Toutes les fois où j'ai lâché la pression, malgré toutes ces peines et ces déceptions, être fort c'est accepter ses erreurs. Je me confesse, rien ne me fait peur. Je suis mal quand je suis loin des miens. Perdu entre le mal et le bien. Le chemin que Dieu a tracé est le bon. Je le suis le temps d'une brève confession. Ma fierté, nos tensions, mes erreurs, vos déceptions. Qu'on me pardonne d'être ce que je suis, ce que je ne suis pas, Toutes les fois où j'ai lâché la pression, malgré toutes ces peines et ces déceptions, être fort c'est accepter ses erreurs. Je me confesse, rien ne me fait peur. Je suis mal quand je suis loin des miens. Perdu entre le mal et le bien. Le chemin que Dieu a tracé est le bon. Je le suis le temps d'une brève confession. Je confesse, je rappe que la moitié. Depuis quelques années, je ne me sens plus entier. Chaque choc renforce le paradoxe humain. Comment taper durement et doublement sans le frangin. Maintenir le cap et ne pas trébucher. Chaque homme fait des erreurs, moi-même je me suis bûché. Et c'est les parents que j'ai touchés, la famille que j'ai blessée. Dur de se confesser, c'est dur et je le sais. Tout en mon salut aussi, j'œuvre pour moi. J'offrirai pour les miens ma vie, mes biens. Même mon bras armé, c'est rare, mais ça m'est naturel. Bref, confession signée J.K.I.L.L. Toutes les fois où j'ai lâché la pression, malgré toutes ces peines et ces déceptions, être fort c'est accepter ses erreurs. Je me confesse, rien ne me fait peur. Je suis mal quand je suis loin des miens. Perdu entre le mal et le bien. Le chemin que Dieu a tracé est le bon. Je le suis le temps d'une brève confession. Toutes les fois où j'ai lâché la pression, malgré toutes ces peines et ces déceptions, être fort c'est accepter ses erreurs. Je me confesse, rien ne me fait peur. Je suis mal quand je suis loin des miens. Perdu entre le mal et le mal et le bien. Le chemin que Dieu a tracé est le bon. Je le suis le temps d'une brève confession.